André Barthelmé, Asriano. Acte d'André de Barthélemy, Asriano, Mal en 1871. André parla du Seigneur à Barthelmé avec grand enthousiasme, qui écouta avec joie. André se proposait volontiers d'enrôler des instruits chez les disciples et approcha Jésus pour lui parler de Barthelmé comme quelqu'un qui se mettrait volontiers à sa suite. Et quand Barthelmé passa devant le Seigneur, André le lui montra. Jésus le regarda et dit « Je le connais, il me suivra. Je vois du bon en lui, je l'appellerai quand le temps sera venu. » Barthélemy résidait à Dabezette, tribu de Zabulon, pas loin de Ptolémée, il était scribe. Je le vis ensuite rencontrer Thomas, lui parler de Jésus et bien le disposer à son égard. Jésus avait déjà vu plusieurs fois Barthélemy et l'avait appelé intérieurement. Il avait aussi parlé de lui aux disciples Simon et Thaddée qui étaient ses cousins. Philippe était aussi allié à sa famille et faisait déjà partie de ses disciples ainsi que Thaddée. Il avait déjà désigné tous ceux-là pour le suivre pendant son dernier séjour à Capharnaüm, près de la pêcherie de Pierre, quand il annonça qu'il faudrait bientôt marcher à sa suite. Un jour, Jésus étant venu dans la contrée de Dabezet, entra chez Barthélemy et l'admit au nombre de ses apôtres. Il lui donna sa bénédiction et lui imposa les mains. Barthelmé quitta aussitôt son emploi qu'il transmit aux frères de sa parente et suivit Jésus. Il reçut le nom de Barthelmé car Jésus l'appelait toujours le fils de Thalmé, Barthelmé. Avant que le Seigneur l'appelle, il se nommait Nephtali. Après la séparation des apôtres, Barthelmé fut d'abord à l'extrémité orientale de l'Inde, dans ce pays dont les habitants ont un si grand respect pour leurs parents. Et convertit un très grand nombre et laissa derrière lui des disciples. Il passa ensuite par le Japon où Thomas est aussi allé en s'avançant plus au nord de l'Inde. Barthelmé traversa ensuite l'Arabie et passa de l'autre côté de la mer Rouge en Abyssinie où il convertit le roi du pays qui s'appelait Polymius, venu de l'empire de Babylone. Il arriva dans une contrée où Matthieu alla plus tard. Dans une ville d'Abyssinie, il ressuscita un mort qu'on emportait. Il délivra aussi deux époux possédés du démon d'impureté et chassa plusieurs démons d'une troupe de frénétiques. Il fut ensuite dans une autre ville qui avait des espèces de tentes et constructions en branches tressées. Dans les temples d'une de leurs divinités, il y avait beaucoup de malades qui autrefois étaient guéris par l'idole, mais depuis que Barthelmé était arrivé, le faux dieu était devenu muet. Fin de la vision d'Emoric. Le lot d'aller dans la ville d'Asriano du pays de Mactron échut à Barthelmé. Notre Seigneur et roi du ciel et de la terre lui apparut, et dit « Paix à toi Barthelmé. À toi la gloire dans les endroits où tu iras. Ne crains pas, car celui qui moissonne est digne de récompense et assemble pour la vie éternelle. Tu es le fidèle moissonneur qui moissonne les champs de Dieu et tu recevras ta récompense quand tu laisseras ce monde. Lève-toi bon Barthelmé et va vers les villes de tes ennemis leur annoncer mes nouvelles et leur apprendre le moyen du salut pour qu'ils se repentent et cessent de faire du mal et de servir à leurs idoles, et afin de pouvoir hériter la vie éternelle. Voici, je te dirai d'avance ce qui t'arrivera dans cette ville. Dès que tu y entreras, ils vont brûler ton corps au feu par trois fois. Ils vont te crucifier plusieurs fois et scier ton corps en morceaux par une scie. Ils vont te livrer aux bêtes des champs pour te dévorer. Ils vont lier tes pieds et te jeter dans la mer. Sois bon et sans peur. Sois fort afin de surmonter ce qui n'est pas en ton pouvoir de faire. Endure et garde à l'esprit ce que le peuple juif me fit, la cruelle manière dont ils m'ont crucifié sur une croix. Je ne les ai pas rétribués pour cela, car je suis à Dieu miséricordieux qui pardonne tous les péchés de ceux qui se tournent vers moi et j'accepte leurs regrets. Voici, j'envoie André vers toi qui t'amènera dans cette ville. De nombreuses vertus et miracles seront faits par toi, et par toi de nombreux peuples croiront. Après avoir parlé à Barthelmé, le Seigneur lui donna sa paix et monta au ciel en grande gloire. Barthelmé partit où le Seigneur lui avait commandé. Le Seigneur apparut au milieu de la nuit là où André se trouvait et lui commanda d'aller dans la ville d'Asriano vers Barthelmé, et quand il serait arrivé, de partir ensemble dans la ville du Bartos. Annoncer la nouvelle dans cette ville pour qu'ils arrêtent de faire du mal et de servir leurs idoles, qu'ils se repentent afin d'hériter la vie éternelle. Toi cependant ne t'empresse pas, aie grande patience et endurance. Garde à l'esprit que je suis ton maître et seigneur, sachant toutes les souffrances venues sur moi de la part des Juifs. Je ne les ai pas rétribués pour ce qu'ils m'ont fait, étant patient et endurant envers eux et qu'ils puissent être sauvés de leurs péchés. Toi aussi bon disciple, n'aie crainte, ne laisse pas ton esprit s'abattre. Plutôt, aie patience jusqu'à ce qu'ils reviennent de leurs erreurs grâce à ton endurance envers eux. Voici, je vais t'envoyer un homme d'un aspect aussi terrifiant que celui d'un lion. Ils croiront tes paroles à cause de lui. Il va te suivre et te sera un disciple, entier à ta prédication. Quand les hommes de Bartos auront cru, prends cet homme avec toi dans la ville d'Elvaoua, car les habitants croiront à tous les signes et miracles qui se feront par toi à cause de lui. Après les avoir réconfortés, le Seigneur monta au ciel en grande gloire. André se leva en matinée avec ses deux disciples, Rufus et Alexander, et sortirent de la ville où ils demeuraient pour aller vers Barthalmée à la ville d'Azriano, et partirent ensemble vers la ville de Bartos et Mecco, pour leur annoncer les bonnes nouvelles du royaume, suivant l'ordre du Seigneur. Quand ils arrivèrent sur la plage, ils ne trouvèrent aucun bateau avec lequel naviguer. André en fut troublé et devint abattu. Après 3 jours d'attente sur la plage, André dit à ses disciples. « Levez-vous mes disciples, élevons nos mains pour prier Dieu de nous montrer clairement notre route, car je sais qu'il ne nous abandonnera pas. » Ils se levèrent et prièrent en langue hébraïque sous un arbre sur la plage. Dès qu'ils finirent de prier, le sommeil vint sur eux et ils s'endormirent. Dieu ordonna à un grand poisson de sortir de la mer et d'ouvrir sa bouche pour avaler André et ses deux disciples pendant qu'ils dormaient. Par le bon plaisir de Dieu, ils continuèrent inconscients dans le ventre du poisson pendant 3 jours. La 3e nuit, le poisson les déposa sur le rivage de la ville d'Azriano, distante de 40 jours de voyage d'où ils avaient attendu. André et ses deux disciples se réveillèrent sur le rivage d'Azriano sans se douter de ce qui était arrivé. André leur dit. Frères, combien de temps resterons-nous sans trouver de bateau pour nous amener jusqu'à Azriano? Mon esprit abattu dit en moi, est-ce toi Seigneur qui m'est apparu et m'a ordonné d'aller dans la ville d'Azriano? Retournons en ville. Plaise à Dieu de nous montrer le pays où nous devons aller et nous amener un bateau. Qu'il en soit comme tu veux, dit un des disciples. André parlait encore quand Rufus vit un bateau venir de la mer et le dit à André. Ils furent heureux et allèrent à la rencontre du bateau arrivé au port. Le Seigneur Jésus-Christ leur avait préparé un bateau spirituel avec des marins et un capitaine. Lorsqu'il fut amarré, André s'avança à la rencontre du bateau et sollicita le capitaine, disant « La paix de Jésus avec toi, bon capitaine !» Le Seigneur qui avait l'aspect d'un capitaine de bateau répondit « La paix de Dieu avec toi frère bien-aimé. Dans quelle ville allez-vous ? Plaise à Dieu, dans la ville de Bartos. Ô bon capitaine, peut-être avez-vous perdu la route vers Bartos. C'est le 3e jour que je suis ici pour estimer la valeur de mes marchandises, cette ville-ci n'est pas Bartos mais Azriano. La ville de Bartos que vous cherchez est à 40 jours et 40 nuits de voyage de cette ville-ci, puisque j'y suis allé plusieurs fois. D'où êtes-vous bon monsieur ? De Bethléem en Juda. Comme il parlait, des hommes venus de Macédoine se dirigeaient vers Azriano en quête de Barthalmée, pour le faire venir chasser un démon qui maltraitait la femme du juge de Macédoine. Ils regardaient en direction du Seigneur qui était sur l'autre rive, alors Jésus dit à ces hommes. Connaissez-vous le nom de cette ville-ci? Cette ville est Azriano, dirent-ils. Pour quelle raison y allez-vous? Le juge de la ville nous a envoyé auprès de Barthalmée pour le faire venir avec nous en Macédoine et chasser le démon qui maltraite la femme du juge, dirent-ils. André s'émerveilla et se dit, et si ces hommes disaient vrai? Ces hommes qui furent envoyés vers la ville y restèrent plusieurs jours, puis ils emmenèrent Barthalmée qui partit avec eux. Vu que Jésus était assis dans le bateau, ils crurent pouvoir monter jusqu'en Macédoine. Barthalmée dit, la paix de Dieu sur toi, bon Seigneur. Nous te prions de nous prendre jusqu'en Macédoine. Nous souhaitons aussi aller dans la ville de Bartos, leur dit-il. Allez vers ces hommes assis sous l'arbre à qui le bateau appartient, ils vous prendront jusqu'à là. » Barthalmée alla jusqu'à cet arbre, comme le Seigneur lui avait indiqué, et viendrait ainsi avec ses deux disciples. Le voyant venir, André salua Barthalmée et dit : « D'où viens-tu ? Où est cette ville d'Azriano ? » ?»« Cette ville-ci est Azriano, elle est chue dans mon lot pour annoncer le royaume, » lui dit Barthalmée. Quelle louange et quel remerciement ma bouche peut-elle exprimer envers la miséricorde du Seigneur qui a fait pour moi cette grande bonté. Il m'a emmené d'une ville lointaine en une nuit pour me ramener jusqu'à toi, afin que j'aille dans la ville de Bartos et m'éco-annoncer les bonnes nouvelles du Saint-Royaume. » Tandis qu'André parlait avec Barthalmée, le capitaine du bateau vint vers eux et André lui dit : « Ô bonhomme, sais-tu certain que c'est la ville d'Azriano ? Depuis combien de jours êtes-vous arrivé du pays de Syrie ? Comme tu vis, Seigneur, nous sommes tes servants, nous n'habitons pas cette ville. Voici, tu nous as vu venir ici aujourd'hui. Qui sers-tu, homme, et en qui crois-tu ? Je vois une chose affreuse sur toi. » « Nous sommes les servants du grand Dieu et de Jésus, » lui dit André. « Bien. En vérité, ton Dieu est le Seigneur. Pour quelle raison es-tu venu et demandes-tu pour cette ville-ci ? Je suis venu dans la ville-ci pour celui que je cherchais. Voici, je l'ai trouvé avant de chercher. Par celui qui t'a délivré et qui t'a porté jusqu'à Azriano, il t'amènera aussi dans la ville de Bartos et Meco. » Les deux apôtres étaient heureux d'entendre ces paroles et lui dirent : « Nous souhaitons aller dans la ville de Bartos et Meco. Une grande grâce de la vérité est descendue sur moi d'être digne que les disciples de Christ naviguent avec moi sur mon bateau. Nous serons saufs que si votre Dieu m'amène dans vos villes. Et si vous avez un désir à faire dans cette ville, peu importe quoi, hâtez-vous de le faire. Pour ma part, je vais apprêter mon bateau pour vous jusqu'à ce que vous retourniez vers moi. » « Nous désirons partir sur le champ, » répondit Barthalmée. « Emporte-nous jusqu'en Macédoine, car nous désirons accomplir notre but premier d'aller dans ces villes. » « Pour quelle raison allez-vous là ? » La femme du juge de cette ville avait réuni auprès d'elle les plus pauvres et les plus bas de la ville, leur donnait des aumônes, quand par un esprit impur la saisit pendant les dons d'aumônes. Elle s'est mise à divaguer et à jeter des pierres sur ceux de la maison. Le juge a dû la prendre pour la mettre en sécurité dans un endroit jusqu'à ce que Barthalmée vienne chasser le démon hors de la femme du juge. Et il nous a envoyé le chercher dans cette ville-ci, dit à les hommes venus de Macédoine. Le maître du bateau dit à André : « Quiconque renoncera à tout ce qu'il a dans ce monde pour suivre le Seigneur et devenir comme toi son disciple chassera les démons. » « Bien. » lui dit André. « Tout homme qui renoncera à ce monde et à tout ce qu'il en a, qui prendra sa croix pour suivre le Seigneur, celui-là dira à cette montagne : « Lève-toi. » Elle se lèvera. Moi aussi je renonce à ce monde et à tout ce qui y est, et je porte ma croix pour suivre ce bon Dieu, » dit le maître du bateau. « Et maintenant pourrais-je chasser le démon hors de la femme du juge de Macédoine ? Cela arrivera, mais pas avant de m'avoir amené à Bartos. Alors vends ce bateau et donne le prix aux pauvres, aux orphelins et aux veuves, puis viens et sois avec nous dans tous les endroits que nous irons, faisant les mêmes choses que nous ferons. Car pour l'instant tu ne peux faire aucune de ces choses avant que l'esprit du disciple descende sur toi, » lui dit André. « Puisque tu me dis que l'esprit de Christ doit venir sur moi, levons-nous demander à son esprit de donner pouvoir à chacun de nous, » lui dit Jésus. « Que l'esprit du disciple descende sur qui la prière est entendue de Dieu. Je vois la grâce de Dieu descendre sur celui qui aime le nom de Jésus, en qui est son esprit, pour réaliser tout ce qu'il souhaite faire. » André, ensemble avec les disciples, se mirent debout et étendirent leurs mains. Il pria et dit : « Ô mère que Dieu a créée premièrement avant toute chose, je t'ordonne maintenant de me porter de cet endroit avec tous ceux qui sont avec moi et nous emmener jusqu'en Macédoine. » Au même instant une eau se remplit et vint de la mer jusqu'à l'endroit où étaient les apôtres et les emporta jusqu'en Macédoine, assis sur le bateau. Jésus, le maître du bateau, Barthalmée, les disciples, et les hommes venus avec eux, dirent à André : « Tu es un véritable servant du bon Dieu. » Les messagers de Macédoine s'agenouillèrent vers André, disant : « Il n'y a pas d'autre que Dieu. Barthalmès s'avança pour prier et dit « Par ton pouvoir, ô mon Seigneur et mon Dieu, envoie ton bon ange dans la maison du juge de Macédoine et qu'il chasse le démon hors de sa femme et la guérisse avant que nous arrivions dans la ville. » Au même instant, Michaël descendit du ciel, entra dans la maison du juge pour prendre sa femme et les hommes de sa maison, et les amenèrent à la mer où étaient les apôtres. Quand Satan vit l'homme maître du bateau, il voulut crier pour faire savoir aux gens que c'était Jésus, mais Jésus lui donna l'ordre de ne pas parler et de sortir de la femme. « Frère, dit Barthalmée André, voici venue la femme avec un démon, lève-toi pour la guérir. Mets ta main sur ma tête pour me bénir moi aussi, car je ferai comme tu as dit. » Le doux nom de Jésus, au cœur de toutes les bénédictions, nous bénira tous ensemble. Dit André. Barthalmée se leva et s'approchant de la femme, il dit à l'esprit impur en elle. Dans le nom du Dieu Tout-Puissant dont je suis l'envoyé, esprit impur je te dis, sors de cette femme et ne reviens plus jamais en elle. Va dans l'abîme jusqu'à ce que Dieu fasse justice sur toi et ton père Satan. Après avoir dit à Satan de sortir d'elle, il alla jusque dans les profondeurs de la géhenne. La femme fit dévotion aux apôtres, avec son mari et tous les gens de sa maison avec elle, disant « Il n'y a pas aucun autre que Dieu et Jésus le Fils du Dieu vivant. » Les apôtres la bénirent. Cette femme, dénommée Lydia, leur dit « Mes seigneurs, si j'ai trouvé grâce envers vous, venez avec moi dans ma ville vous reposer dans la maison de vos serviteurs. Nous viendrons dans ta maison si nous demeurons dans cette ville, » dit André. Comme le Seigneur vit, vous qui avez fait en son nom cette action, lui qui m'a fait cette grâce et m'a délivré par vos mains, je ne vous quitterai pas jusqu'à ce que vous veniez avec moi dans la ville, dit la femme du juge. L'homme qui était Jésus s'avança et dit à André et Barthalmée. Puisque Dieu est votre véritable Seigneur et nul autre que Dieu, je vous demande de m'enseigner à faire des merveilles moi aussi dans le nom de votre Dieu et être son disciple. Écoutez-moi, André, Barthalmée, et vos disciples. Par ton nom, Jésus, amène-nous à l'endroit où il désire aller. Au même instant, ils reçurent de brillants anneaux de lumière et arrivèrent dans la ville de Bartos. Jésus allait devant eux, sans savoir que c'était Jésus, et s'arrêtèrent sur une large tour de la ville où les gens s'étaient réunis. C'était la fête de leurs idoles et la multitude rassemblée mangeait et buvait joyeusement ce jour de fête. Or en supérieur de l'amphithéâtre étaient les gens qui attendaient Acélabius le juge de la ville, tardant à venir. Ils virent les apôtres et s'émerveillèrent grandement. André dit à l'homme qui était Jésus. Dis-moi qui tu es, qui tu sers, et en qui est ta foi par laquelle tu as fait ces merveilles? Le Seigneur sourit et dit à André. Pour quelle raison vos cœurs sont-ils si lourds? Lève tes yeux et connais-moi. Le Seigneur leur apparut sous la forme qu'ils connaissaient. Il leur dit. Soyez forts mes saints envoyés. Je serai avec vous où que vous allez. J'ai ordonné aux grands poissons de vous avaler pendant que vous dormiez inconscient, et je vous emmenai jusqu'à Asriano. Soyez patients et endurants mes saints envoyés, car j'ai de nombreuses personnes dans cette ville qui ne croiront pas sur le champ, mais seulement par les signes des miracles qui se feront par vous. Puis le Seigneur leur donna sa paix et monta au ciel. Tout le peuple regardait les apôtres qui se dirigeaient vers les rangs supérieurs de l'amphithéâtre, et se disait « Qui a envoyé ces messagers? Les dieux de la ville veulent-ils que cela fasse un miracle ?» dirent d'autres. Mais ceux qui étaient prêtres ne consentirent pas à cela. Ils étaient en colère et ne voulurent pas les laisser venir en ville. Ils dépêchèrent auprès du roi à leur sujet. C'est ainsi que le peuple parlait entre eux en voyant les apôtres jusqu'à ce que le juge Acélabius vint à cheval, avec toute sa garde, et s'assied à son siège. Le peuple cria vers lui et il fut en colère, pensant lui-même qu'à crier ainsi il y aurait du désordre dans le temple. Il disait au juge, lève tes yeux et vois ces dieux qui veulent prendre la ville. C'est ton devoir d'examiner cette chose avant que les prêtres pensent en moins de leurs idoles. Car s'ils parcourent la ville, nos ennemis nous vaincront et nous mettront à mort, sans trouver d'aide nulle part. Le juge ordonna de faire venir les prêtres. Il leur ordonna d'apporter les idoles. Les prêtres, qui étaient alors parés de leurs meilleurs, apportèrent les idoles dans l'amphithéâtre, soufflant de la trompette par devant, et les placèrent sur des socles. En les voyant, les gens élevèrent leur voix pour les acclamer, car ce jour était leur fête. Voyant la multitude du peuple dans l'amphithéâtre, les apôtres voulurent descendre de là, mais on les saisit et les amena au juge. Il leur dit : D'où êtes-vous ? Nous sommes disciples du Seigneur nommé Jésus, répondit André. Est-ce cette troupe de 12 hommes qui vont dans les pays pour séparer les hommes de leurs femmes ? Loin de nous tromper et nous séparer de nos femmes et nos enfants. Attendez après moi, dit-il au peuple, ne vous inquiétez pas jusqu'à ce que je vous dise quoi faire. Il se tourna vers les apôtres et dit : Si votre Dieu est puissant et qu'il fait ce qu'il veut, je souhaite qu'il fasse des signes et des miracles parmi mes hommes jusqu'à ce que vos paroles prouvent la vérité. André alla à l'endroit où étaient les idoles et demanda au peuple de faire silence. Ils firent ainsi, et il dit d'une voix forte : Vous idoles, dites-leur un mot si vous êtes des dieux, puisque les pensées de ce peuple sont tournées vers vous. Sinon dites, nous ne sommes qu'une fabrication de main d'homme. Par quoi les hommes vous trompent ? Par le pouvoir de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, roi des rois, dit André avec colère. Montez aussi loin que le toit de l'amphithéâtre, jusqu'à ce que je vous ordonne de descendre dans la géhenne. Les idoles montèrent d'un coup jusqu'en haut de l'amphithéâtre, sous les yeux de tout le peuple. André dit au peuple : S'ils sont des dieux, ils devraient entendre ce que leurs prêtres leur disent, puisqu'ils les ont apportés pour les placer sur des socles. Le peuple fut grandement dans l'étonnement à voir cette merveille venant des apôtres. Dites à mes idoles de revenir s'asseoir sur leur trône, dit le juge aux prêtres. Les prêtres du mensonge crièrent à leurs idoles de descendre du haut du toit, sans succès. Alors Satan parla par eux : Hommes de la ville, si vous ne saisissez pas ces hommes pour brûler leur corps au feu, nous quitterons cette ville. Pourquoi les écoutez-vous ? Ces méchants hommes trompent le monde pour vous détourner de nous. C'en est fini de la ville si vous écoutez ce qu'ils disent. Quand le peuple entendit les démons parler, ils devinrent en colère et prirent des pierres pour les jeter sur les apôtres. Ils les attachèrent avec des chaînes de fer et les mirent sur un amas de bois pour les brûler. Mais un ange du Seigneur, descendu pour délivrer les apôtres des mains du peuple, détacha leurs chaînes. Les démons dirent : Les attacher n'est pas assez, jetez-les dans le brasier du feu pour qu'ils les consument. Le peuple fit comme les démons leur disaient. Mais l'ange du Seigneur, descendu pour délivrer les apôtres des flammes du feu, les emporta et les plaça au milieu des gens sans qu'ils les voient. Ils se moquèrent des démons et des idoles derrière lesquelles ils se cachaient. Les gens continuaient à crier et s'agitaient de grande frayeur. Le juge dit au peuple : Que ferons-nous de ces hommes ? Par 3 fois nous les avons jetés au feu qui ne les a pas dévorés, ni même touchés. Ne les perdez pas de vue jusqu'à savoir quoi leur faire d'après notre volonté. Nous resterons au milieu de vous pour nous vaincre, ou vous vaincre par le pouvoir de notre Dieu, dit André. Mettons de côté les croyances de votre Dieu, dit le juge. Tous les officiers de la garde et soldats du juge se saisirent des apôtres et les emmenèrent dans l'assemblée pour que le peuple les lapide. Par la colère dans son esprit, André voulut maudire la ville et que tous leurs habitants descendent au Sheol à cause de leur peu de foi. Le juge demanda silence au peuple et dit aux apôtres : Quel est ce mal que vous faites pour tromper les hommes ? Je vais vous brûler et jeter vos corps aux bêtes du désert qui vous dévoreront. Pour quelle raison nous traiter ainsi ? Dit André. Parce que nos idoles ont voulu partir dès qu'ils vous ont vu venir dans notre ville, lui dit le juge. Vos idoles ne sont pas des dieux comme vous pensez, ils ont été fabriqués par des mains d'hommes, répondit André. Il n'y a aucun autre que Dieu. Entendant cela, le peuple dit au juge : Si tu ne mets pas ces hommes à mort, nous te brûlerons toi et tous les hommes de ta maison. Le juge vit que les grands de la ville et le peuple étaient agités, car ils n'arrêtaient pas de crier. Que voulez-vous que je leur fasse ? Leur dit-il. Qu'on les enferme dans une fournaise jusqu'à ce que leur chair fonde, et nous les jetterons dans la mer. Le juge ordonna qu'on prenne les apôtres pour les attacher sur une roue. Ils apportèrent une grande scie pour les scier, Mais dès qu'ils prirent la scie leurs mains pour rire, ils se mirent à crier. Malheur à nous! Une infirmité est tombée d'un coup sur nous. Je ne peux les vaincre. Que voulez-vous que je fasse? Dit le juge au peuple. Le juge ordonna de mettre des cordes à la roue où on avait attaché les saints et de les traîner dans les rues de la ville, ensuite les jeter dans la mer sans détacher la roue. Mais dès que les hommes du juge vinrent prendre ces cordes, leurs mains se détachèrent de leurs bras et tombèrent par terre, car leur chair avait fondu. Et il y eut une grande angoisse dans cette ville. Le juge dit de nouveau au peuple. Vous avez vu ce que je leur ai fait, mais je ne peux leur faire la moindre égratignure. Que voulez-vous que je fasse à ces hommes? Levons-nous tous ensemble, toi avec nous, demandons-leur d'agréer notre requête de quitter la ville, dit l'assemblée. Le juge et tout le peuple allèrent vers les apôtres. Frères bénis, leur dirent-ils, dites-nous la somme d'argent vous désirez avoir afin de quitter notre ville et que nos idoles reviennent? Car toute la ville va périr si vous n'y consentez pas. L'or et l'argent ne nous préoccupent pas le moindrement, leur dirent les apôtres. Dans leur colère contre les apôtres, le peuple les amena en dehors de la ville et leur jeta des pierres. Ils étaient couchés comme morts. Notre Seigneur Jésus-Christ leur apparut et leur dit. Levez-vous mes saints envoyés, endurez patiemment sans crainte. Il y aura en ce jour une grande agitation dans la ville à cause de vous. Partez d'ici pour aller dans le désert. Je serai avec vous, n'ayez pas peur. Je vous envoie le Gatsakeleb, face de chien, à l'aspect terrifiant. Amenez-le avec vous dans la ville. Puis notre Seigneur monta au ciel. André et Barthalmé vinrent dans le désert où n'était ni maison, ni humain. Ils s'assirent un peu assoupis et s'endormirent. Un ange du Seigneur vint prendre les apôtres et les porta dans une ville remplie d'habitants. Il les déposa sous un roc et partit. À leur réveil, ils furent grandement surpris et adressèrent leur louange à Dieu. Tandis qu'ils discutaient sous le roc, voici revenir de la ville, un homme qui cherchait quelque chose à manger depuis l'éveil au soir, jusqu'à ce jour, sans rien trouver. L'ange de Dieu lui apparut et dit. Homme Gatsakeleb, à face de chien, je te dis, voici, deux hommes et leurs deux disciples se trouvent sous un roc. Va vers eux, sans faire de mal de crainte que leur Dieu soit en colère contre toi, car ils sont servants de Dieu. Cet homme à face de chien trembla grandement en entendant parler. Il dit à l'ange. Qui es-tu? Je ne connais ni toi, ni le bon Dieu. Mais parle-moi de lui. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre avec vérité. Il est celui qui étend les ténèbres au-dessus de la terre et aussi de ta tête, celui qui écrase le dragon des pieds. Il a créé le soleil, la lune, et les étoiles. Il a aussi créé la mer, les rivières, et tout ce qui est en eux. Il a aussi créé les bêtes sauvages et le bétail, les plantes et toutes choses rampantes. Il a le pouvoir de reprendre à tous le souffle, lui dit l'ange. J'aimerais voir un signe pour croire à tout ce que j'entends de toi, lui dit l'homme Gatsakeleb. Au même moment le feu descendit du ciel et le feu entoura le Gatsakeleb, sans le brûler. Il se tenait au milieu et comme il ne pouvait en sortir, il se mit à crier. Aie pitié de moi, toi Dieu que je ne connais pas. Sauve-moi de cette flamme et je croirai en toi. Dieu te délivrera de ce feu si tu suis les apôtres où ils iront et leur obéis en tout ce qu'ils diront, lui dit l'ange. Mon aspect n'est pas comme celui des hommes, ni des apôtres, et je ne connais pas leur langue. Où trouverai-je à manger si je vais avec eux? Si je ne trouve pas à manger, je m'en prendrai à eux pour les dévorer. Voici je te dis mes habitudes, de peur de blesser et que leur Dieu soit en colère contre moi, répondit le Gatsakeleb. Dieu te retirera tes habitudes de bête et te donnera la nature des hommes, lui dit l'ange. L'ange étendit ses mains et tira le Gatsakeleb hors du feu. Il le marqua du signe de la croix et invoqua sur lui le nom du Père et du Fils par l'Esprit. La nature de bête sortit de lui et il devint aussi doux qu'un agneau. Va suivre les quatre hommes que tu trouveras assis à l'ombre de ce roc. Dieu t'envoie faire des merveilles que tu iras, lui dit l'ange. L'ange disparut. Le Gatsakeleb partit directement, heureux et joyeux de la droiture de la foi, sans égard à son aspect terrifiant. Il était de 4 cubes de hauteur, le visage comme d'un gros chien, ses yeux comme le feu, ses dents comme ceux d'un ours et d'un lion, les ongles de ses pieds crochus comme des crochets, les ongles de ses doigts comme les pattes de lion, ses cheveux et sa barbe arrivaient jusqu'à ses bras comme la crinière d'un lion. Son aspect tout entier était terrible et effrayant. À leur réveil, les apôtres s'affligeaient encore du peu de foi des gens de cette ville lorsque survint le garde Sakhalab. Voyant un monstre d'aspect terrifiant, les apôtres André et Barthalmé pensèrent en eux-mêmes qu'un esprit impur leur était apparu, se signèrent dans le nom de Dieu et s'enfuirent en laissant Rufus et Alexandre mortifiés de terreur. Le garde Sakhalab vint vers eux, il leur prit la main et dit « N'ayez crainte mes frères dans l'esprit. » Dieu envoya la force de l'esprit pour chasser la peur de leur cœur, et ils n'eurent plus peur de son aspect. Et celui-ci se mit à genoux devant eux, leur demandant d'appeler leur père pour leur dire ce que Dieu lui avait ordonné. Ils retrouvèrent bientôt André et Barthalmé et leur dit comment Dieu avait envoyé cet homme à la face de chien. Les apôtres vinrent, sans pouvoir le regarder tant son aspect était terrible. Il leur fit dévotion et leur dit « N'ayez crainte. Votre Dieu m'envoie pour aller avec vous dans tout lieu où vous irez et vous écouter tout ce que vous me direz. » Les apôtres s'émerveillèrent aux paroles du monstre. « Bénis Dieu, mon fils. Je sais que tu seras avec nous comme tu dis. Dis-nous ton nom, lui dit André. Mon nom est Vice, dit l'homme à face de chien. À partir de ce jour ton nom serait Christian. » Puis ils se levèrent prier. Ils partirent de cette région, l'ange leur servit de guide sur la route jusqu'à ce qu'ils arrivent à Bartos le 3e jour. Ils s'assirent hors de la ville. Sous l'apparence d'un riche honoré de la ville, Satan partit avant eux à la ville et réunit les anciens pour aller parler aux juges. Voici les hommes que vous avez lapidés sont en dehors de la ville et veulent entrer. Nos idoles voudront partir de notre ville dès qu'ils le sauront. Et quand les gens sauront qu'ils sont partis, ils se lèveront contre nous et nous ferons emprisonner avec nos fils, dit-il. Le juge ordonna qu'on ferme les portes de la ville et postait des gardes à chacune d'elles. Et alors que les apôtres se préparaient à entrer dans la ville, le garde Sakhalab dit « Couvrez ma face avant d'entrer que les habitants ne s'enfuient à ma vue. » Ils couvrirent sa face. André s'avança pour prier. Il s'approcha des portes de la ville et dit « Ô Seigneur, entends ma prière et ma requête, dans le nom de Dieu qui a rompu les verrous de fer, qu'ainsi les portes de la ville s'ouvrent d'un coup. » Les verrous des portes tombèrent aussitôt et les apôtres entrèrent, le garde Sakhalab avec eux. Les gardes des portes vinrent précipitamment vers le juge dire ce qui était arrivé. Comme le peuple s'agitait grandement, ils se hâtèrent de prendre leurs armes, lances et boucliers, et partirent avec le peuple à la recherche des apôtres, apportant avec eux des bêtes sauvages aux dents tranchantes. 7 lions de 3 cubes et 1 lion entrés le même jour. Les serviteurs du juge voulurent saisir André le jeter au lion, alors le garde Sakhalab dit à André. « Toi bon servant de Dieu, me commandes-tu de découvrir ma bouche et ma face ? Fais tout ce que Dieu t'a commandé, lui dit André. « Je te prie, ô Dieu qui m'a retiré ma nature brute pour la connaissance de toi, qui m'a donné le pouvoir de préserver une nature meilleure et m'a fait convenable pour suivre tes apôtres. Je te prie que ma nature précédente revienne à moi afin que tout le peuple le voie. Fortifie-moi par ton pouvoir jusqu'à ce qu'il sache que tu es le seul Dieu et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. » Sa nature précédente revint à cet instant. Il était très en colère contre eux et son cœur était rempli de courroux, il montra sa face et regardait les gens en grande indignation, il se jeta sur tous les gens et se mit à les tuer. Il les tordait, brisait en pièces et mangeait leur chair. Tous les habitants de la ville eurent peur et voulurent s'enfuir hors de la ville pour échapper à la grande angoisse tombée sur eux. Ce jour-là il mourut 603 grands hommes de la ville. Aux réchappés qui étaient sortis de la ville cherchaient un endroit où se cacher, Dieu envoya le feu du ciel pour qu'aucun d'eux n'échappe. Tout le peuple de la ville, le juge et les anciens revinrent auprès des apôtres avec peur et tremblement, pleurant amèrement, et dirent Nous savons et croyons maintenant qu'il n'y a pas d'autre Dieu, ni au ciel ou sur terre, que le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous supplions de prier pour nous délivrer de cette mort qui nous entoure de tous les côtés par ces deux calamités. Le feu et le monstre à face de chien. Les apôtres prièrent pour le Seigneur Jésus-Christ de faire que le feu se retire d'eux. Barthalma dit au juge. Réunis tout le peuple de la ville, femmes et hommes, qu'ils apportent les idoles qu'ils ont dans leur maison. Ils savent que ce ne sont pas des dieux mais des fabrications de pierre, non esprit. Le juge leur ordonna de réunir les idoles apportées par le peuple. Les apôtres s'étant levés pour prier, les foulèrent aux pieds, et dirent. Ô Dieu vivant toujours, toi qui ordonnas à la terre d'ouvrir sa bouche pour avaler Dathan et enterrer les tentes d'Abiram avec toute leur parenté de Lévite. Comme en ce jour la terre ouvrit sa bouche pour les avaler. Qu'ainsi même ces idoles descendent dans la géhenne. Aussitôt cela se fit aux yeux du peuple. Le juge et le peuple, femmes et hommes, élevèrent la voix, disant. Il n'y a qu'un Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus-Christ Fils de Dieu. Il n'y a que Dieu et pas d'autre que lui. Ils demandèrent aux apôtres de leur enseigner la doctrine de Dieu. Les apôtres leur dirent. Venez ensemble à l'amphithéâtre où vous recevrez une foi complète. Seigneur, nous ne pouvons avancer. Priez pour nous que l'homme à face de chien ne nous dévore pas, dit le peuple. N'ayez pas peur. Suivez-nous pour voir dans cette ville une grande merveille. Dirent-ils. Le peuple suivit les apôtres à l'amphithéâtre, les apôtres posèrent leurs mains sur le Gat-Sakeleb au nom du Seigneur, disant. Que ta nature brute quitte et que la nature d'homme te revienne mon fils, c'est assez. Voici tu as accompli ta mission en faisant peur à ces gens. À cet instant, la nature humaine revint à lui. Il devint aussi faible qu'un agneau et se jeta aux pieds des apôtres. Le juge et le peuple virent cette merveille, ils se prirent dans leurs mains des branches d'olivier, firent obéissance aux apôtres et dirent. Baptisez-nous et que votre bénédiction demeure sur nous. Voici que la grâce de Dieu est descendue sur vous, dit les apôtres. Par la patience vous gagnerez vos âmes. Les apôtres virent dans l'amphithéâtre qu'il y avait une statue de Magnéto. André la renversa par terre et la foula sous les pieds, et soudain une source d'eau douce jaillit. Les apôtres se placèrent au milieu de l'eau et baptisèrent le peuple, dans le nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Quand ils eurent baptisé le peuple, le Gat-Sakeleb demanda à André. Bon Père, que ta miséricorde descende sur ces morts pour qu'ils vivent et se fassent baptiser comme leurs frères, dans la joie d'être instruits dans le nom du Père, notre Dieu Seigneur Tout-Puissant. Que sa grâce soit pour la vie de ceux qui sont morts. André se leva pour prier Dieu. Une voix appela le Gat-Sakeleb du ciel et lui dit. Ô toi bien-aimé Christian, tu as reçu la grâce de ressusciter les morts à la vie. Puisqu'ils sont morts de frayeur par toi, qu'ils reviennent à la vie par tes mains. Dieu commanda de vos chefs que l'esprit de vie retourne à eux. Ils se levèrent aussitôt et furent baptisés comme le reste des habitants de la ville. De nombreux miracles se firent par les apôtres. Les yeux de l'aveugle s'ouvrirent, le boiteux se mirent à courir, le sourd d'entendre, le muet à parler, et les démons furent renvoyés. Ils guérirent ceux qui étaient malades au nom du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à qu'il ne reste plus aucun malade dans le pays. Ils construisirent une église et placèrent des hommes pour le service de l'église. Ils leur enseignèrent les saintes écritures et toutes les règles des fêtes. Ils les instruisirent mystère du saint sacrifice, les consacrèrent pour servir le peuple et leur donnèrent les mystères des saints. Il y eut une grande joie dans cette ville parce qu'ils étaient devenus acceptables au mystère des saints, au corps de Jésus-Christ et son précieux sang. Ils furent confirmés dans la foi du juste dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les apôtres les quittèrent au milieu de leurs remerciements et leurs louanges à Dieu. À Dieu gloire et bénédiction.